niquer. Faut que tu viennes pour le voir, je peux pas t'expliquer. Mec, tu viens pour le voir, je peux pas t'expliquer. Hey, hey, hey, hey. C'est le pote. Pas un bonhomme pour faire la baston. Non. Un bonhomme pour faire la baston. Sa prestige, je les ai démasqués. Pour prendre le violet, faudra les brusquer. J'ai la Zubrovska, l'essentiel briquet. Bénéfice élevé, mais c'est risqué. Faut que tu viennes pour le voir, je peux pas t'expliquer. Faut que tu viennes pour le voir, je peux pas t'expliquer. Je me méfie d'elle, elle aime le luxe et les locks. Elle kiffe le buzz et mon look. Elle veut que je sorte le 38 spécial et que je fasse le Lucky Luke. Et lui, en face, il fait des grands sourires pour mieux se refaire sur ma nuque. T'as capté le truc, frérot, me fais pas la bise. Plus cramé par cannabis. Je viendrai te chercher chez la meuf que tu baises. Je viendrai te chercher chez la meuf que tu baises. Bah ouais, c'est sale, hein. Sale comme le poteau qui t'a laissé solo. Sale comme une enfant sans câlin. Pur comme le premier colis. Graine de café dans le collier, graine de café dans le collier. Tu veux être le taulier, comporte-toi comme un taulier. Tous les voleurs me disent collier. Noirs sont les pensées, personne qui nous fera croquer. Donc je vais les servir jusqu'à qu'ils fassent une ode. De l'autre côté, la piste du jam dans le gobelet. Plata au plomo, je n'ai que la haine à vous donner. Je n'ai que la haine à vous donner. Même les plus coriaces finissent par abandonner. Faire la moula sans m'y donner. Faire la moula sans m'y donner. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Pas un bonhomme pour stopper la baston. Sapristi, sommes-nous des bestiaux. Mon gars va baisse-toi d'ici à Boston. Rien que ça tire mais y'a personne quand le boss tombe. Ils disent même pas ce qu'ils pensent quand leur bouche parle. La zipette leur donne des tronches de zombies. Sahigo, ça fait un moment qu'on sait pas parler. De mon côté ça bouge pas mais toi je te sens bizarre. Et sur les photos tu souris sans les yeux. Plus d'émotion, tes démons s'endorment avec. Dimension parallèle du poison dans tes boissons. Du liquide violet comme le sang d'un Namek. On a dû rester authentique. Parle bien devant la mythe, donne du respect aux tantines. Tous les gars va de ma bande ont des fans. J'ai connu très tôt l'abandon des femmes et je me fie à elle. Bien avant mon buzz ou mon look, je lui envoie mes sons, rien ne leak. J'irai la chercher tout en bas de sa thèse. Elle me parlera de sa thèse, elle est dans les études. De l'autre côté c'est dur, obligé de recompter ses thunes. Elle aime pas les showcases, elle a peur, elle m'en parle et j'acquiesce. Naturel comme Alicia Keys. Elle veut jamais que je paye mais je l'inviterai prendre un verre à canne. Dans la plus belle des suites, crois-moi qu'on verra qu'elle. Ça c'est pour toutes les fois où on s'est fait recal. Les petits bisons sait faire au calme. De l'autre côté, noirs sont les pensées, personne qui nous fera croquer. Donc je vais les servir jusqu'à qu'ils fassent une ode. De l'autre côté, la piste du diable dans le gobelet. Plata au plomo, je n'ai que la haine à vous donner. Je n'ai que la haine à vous donner. Même les plus coriaces finissent par abandonner. Faire la moula sans m'y donner. Faire la moula sans m'y donner. De l'autre côté, non.